Vendredi 12 octobre 11h30, Bruno le bienheureux. Sur mon cahier, j'ai noté par erreur, vendredi 13. Souvent je me perdais dans les dates. Tiens, aujourd'hui vendredi 13, cela me portera-t-il chance? De la chance, ici il nous en faut, nous en avons tous besoin. Chance pour ne pas tomber malade, dans toute cette crasse, chance qu'il ne nous arrive rien de grave. Ici une mauvaise rencontre est si vite arrivée. Chance enfin de ne pas devenir encore pire que ce que nous sommes déjà. Et là, c'est vraiment pas gagné. Heureusement qu'à l'école, ce matin, j'ai pu parler avec Jean-Marie. À l'école, Bébert n'y va pas. Il estime qu'il n'a rien à y apprendre. Là-bas, j'ai pris un moment pour raconter à Jean-Marie la scène qu'il m'a faite hier matin au retour de la douche. Jean-Marie m'écoute avec patience. Tout en ouvrant ses affaires de classe, il me dit de relativiser tout ça. Tu sais, ça pourrait être bien pire encore. Bébert est un peu pénible mais regarde, il est propre, il ne met pas le bordel dans la cellule. Tu sais qu'on pourrait nous mettre quelqu'un de bien plus détraqué. Je m'aperçois à ce moment-là combien il a raison. Bébert est pénible, il m'est presque insupportable. Depuis hier matin, je ne lui ai plus adressé la parole. Dans le cafouche dans lequel on nous tient, ça casse l'ambiance. Mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours été comme ça. Et à tout prendre, il vaut mieux cohabiter avec Bébert qu'avec Habib l'assassin, ou même Yaya le joueur de contrée. Va. À midi, je me dis quand on rentrera de l'école, je ferai comme si rien ne s'était passé. Bébert et moi, nous nous réconcilierons. Comme dit Jean-Marie avec toute sa philosophie, on est en prison Bruno, ça il ne faut jamais l'oublier. Oui, comme d'habitude, il a mille fois raison. Ça pourrait être pire, bien pire. À tout bien y réfléchir, je pense même ici être bien traité. Allez, si j'en avais la possibilité, je jouerais au loto aujourd'hui. Je sens que c'est mon jour de chance.